Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Salut tout le monde, c'est Spades qui prend l'antenne pour vous parler de l'OST de Rocky, vu qu'on vous a déjà parlé du film. On a très peu traité la musique, on s'est dit qu'il fallait lui rendre hommage. Et pour m'accompagner, donc on retrouve notre cher Murdoch. Comment vas-tu Murdoch? Bah écoute, ça va très bien et je suis très content qu'on donne une place un petit peu plus grande pour toutes les musiques et toutes les chansons qui vont émailler un petit peu cette longue saga qu'on a traitée au mois de septembre. Et c'est un plaisir de te retrouver pour parler de ce sujet. Merci, et surtout oui, qu'on l'a vraiment très très peu traité dans l'épisode sur Rocky, donc faut vraiment rendre hommage au boulot de Bill Conti. Et d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on présente un peu le bonhomme. Ouais, bah oui, oui, vas-y. Donc Bill Conti est né en 1942, ce qui lui fait 75 ans, à Providence, dans l'état de Rhode Island. Mais il a surtout été élevé en Floride, où il a été un excellent élève du lycée de North Miami, au point de décrocher un Silver Knight Award. Tu sais ce que c'est, un Silver Knight Award? Alors, c'est un chevalier d'argent, parce que je suis... Ah, t'es des anglophones. Je suis bilingue pièce d'échec, voilà. En fait. Donc, en fait, un Silver Knight Award, c'est une sorte de bourse qui est attribuée tous les ans aux adolescents ayant un parcours exceptionnel à l'école comme en dehors. Mm-hmm. Et c'est une bourse de 2000 $, ce qui n'est pas négligeable hein, dans les années 60. Mm-hmm. Donc, lui, il l'a touché en 1957. Il avait donc 15 ans. Et pour le fait qu'il était chef d'orchestre à 15 ans. D'accord. Donc, faut bien se rendre. C'était ça le côté pas extrascolaire. En fait. Scolaire et parascolaire. Ah, parascolaire. Donc, en fait, déjà 15 ans chef d'orchestre, hein, ça prouve quand même que le type, il aime beaucoup la musique. Oui. Et grâce à son parcours exceptionnel, il a pu intégrer la plus célèbre école d'art du monde, la Juilliard School of Art de New York. Mm-hmm. Et il a débuté sa carrière de compositeur de musique de film en 1969 en Italie. Bah oui, je comprends pas pourquoi en Italie, mais en Italie, avec un film qui s'appelle Un sudario a la medida, hein, pardon pour l'italien, ce qui veut dire en français un suaire à la bonne taille. C'est rigolo comme titre quand même. Ouais, bah, c'était l'époque, hein, ouais. Fin des années 60. C'est mon curé en Saint-Sure. Un peu de ça, ouais. Et donc il est surtout devenu célèbre en 76 avec la bande originale de Rocky. Eh oui. Bill Conti, c'est surtout un compositeur très très fidèle. À chaque fois qu'il va travailler avec quelqu'un qu'il appréciera, il va revenir plusieurs fois dans sa carrière. Ça a été le cas avec Stallone, dont il a fait quasiment tous les Rocky, mais aussi Fist et À nous la victoire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film. Alors, À nous la victoire, ouais. Je l'ai vu, mais il y a très très très longtemps. Alors, j'ai vraiment un souvenir lointain. Pour ceux qui ne se rappellent pas de ce film, vous prenez La Grande Évasion, vous mélangez avec Olivier Tom et ça vous donne À nous la victoire. Il y a notamment Pelé qui joue dedans. Il y a Pelé, oui, oui. C'est un excellent film. Je m'en rappelle pour ça. Ouais. Ouais. Et Fist, qui est un film sur les syndicats, en fait. Ouais. Sympa aussi, quoi. Mais il va sur... Tous des films avec Stallone. Ouais, ça, c'est les films avec Stallone qu'il a orchestré. Mais il va surtout rester fidèle à John Avildsen, donc le réalisateur de Rocky, dont il va signer quasiment tous les films, notamment Karate Kid. Ouais. Je vous renvoie au cadeau bonus qu'on avait fait avec Yetcha sur Karate Kid. À côté de ça, il va signer la bande originale d'un James Bond, rien que pour vos yeux, qui sera nominé aux Oscars. De L'étoffe des héros, qui sera oscarisé pour la meilleure bande originale. C'est un grand film, je crois qu'il était en deux parties. Et j'avais adoré ça, parce que quand j'étais môme, j'adorais tout ce qui était avion, espace et tout. Et ce film-là, j'avais vraiment, vraiment adoré. Ouais, ouais non, c'est un très très grand film qui raconte une épopée incroyable. C'est le terme de héros et pas usurpé pour les personnes dont il parle. Et il a fait aussi plusieurs films de John Cassavetes. Il a aussi à côté de ça, il a fait quelques petits trucs pour la télé, genre Dynasty, tu te rappelles de cette série? Oui. C'est lui qui a fait le générique. D'accord. Et de Nord et Sud, donc une série télé si je me rappelle bien avec Patrick Swayze. Mais oui, tu te rappelles bien, parce que c'est ce que effectivement ce qui me vient en tête, ouais, Patrick Swayze. Les premiers tours de pellicule de Patrick Swayze. Ouais, qui était une saga, on va dire dramatico-romantique sur la guerre de sécession. D'accord, mais il dansait pas. Non, c'était. D'accord. Non, c'est du tout. C'était vraiment un drame historique. Pure souche, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque. Donc Bill Conti, en fait, il est surtout connu pour avoir dirigé la section musicale des Oscars juste pendant 18 ans. D'accord. C'est le recordman hein, du genre. Mais comme je disais plus tôt, en fait, le truc le plus important de sa carrière, ce qui l'a vraiment fait exploser, ça a été la bande originale de Rocky. Et elle a une véritable histoire qui est assez improbable. Bah, comme tout le film, en fait. Hein. C'est ça qui est assez singulier dans ces histoires. Hein. Oui, ce film est un miracle sur pattes et la carrière de Bill Conti de même. Quoi. En 73, il avait passé plusieurs années en Italie, donc où il avait fait la bande originale de Un Sodario alla Medida. Bah, Conti décide de revenir aux États-Unis en 73 et va réaliser la musique du film Harry et Tonto. Donc, si j'ai bien compris ce que me disait monsieur Wikipédia, c'est un road trip d'un type avec son chat. D'accord. C'est un film, c'est un film qui a beaucoup marqué à l'époque. Ouais. Ben, j'ai jamais vu ça, faudrait que j'essaie de le voir à l'occasion. Ouais. Et en fait, sur ce film-là, il va sympathiser avec le monteur du film, Richard Astley, avec lequel il va recollaborer peu de temps après sur Next Stop Greenwich Village. Donc pareil, hein, ce film, je ne sais pas ce que c'est du tout. Avant que Astley parte monter un petit film sans budget. Donc Conti est tout seul chez lui, tranquille. Puis il reçoit un coup de fil de Astley qui lui dit « Écoute, là, je viens de finir leur rough cut. » Donc pour expliquer, un rough cut, c'est un montage où ils ont mis bout à bout toutes les scènes, mais sans vraiment rythmer le film et compagnie. Quoi. Vraiment pour se donner une idée brute de ce que va être le film. Donc je viens de finir le rough cut d'un film sur lequel je travaille. Ce serait bien que tu viennes voir, parce que je pense que là, tu pourrais faire quelque chose d'intéressant. Donc Conti prend son billet de train pour aller à Philadelphie, débarque là-bas. Mm-hmm. Il va rencontrer donc un certain John Avildsen et un certain Stallone. Et puis le courant, en fait, passe tout de suite entre les trois hommes. Et ils se retrouvent embauchés pour écrire et orchestrer la musique donc de Rocky. Pour la modique somme de 35 000 $. Ouais, d'accord. 35 000 $, 3 semaines pour écrire la musique. Ouais, bah... Sur lequel il va être obligé de s'investir à fond. Comme le film est absolument pas prêt, il est obligé de mentir à ses musiciens où en fait il va leur dire on va s'entraîner, puis en fait il les enregistrera pour faire la musique de son côté. Tout ça, en fait, l'enregistrement final de la musique, ça va lui prendre juste 3 heures. En une seule session de 3 heures. D'accord. C'est totalement fou, quoi. Tu pourrais plus faire ça du tout. Ah bah non. Mais c'est plus possible. Voilà. Et dans cette bande originale, il y a vraiment certains morceaux emblématiques dont on peut pas ne pas parler. Oui. Alors, tu vas lancer le premier extrait ? Eh oui. Et on s'écoute l'introduction du film pour commencer. Donc ça, c'était l'introduction du film, la fameuse fanfare sur Rocky qui défile de gauche à droite et compagnie. Et donc là, je vais vous faire une petite leçon de cinéma de Tonton Spades. Il y a une phase, en fait, quand on crée un film qui s'appelle les Spotting Sessions. C'est une phase où, en fait, le réal, les producteurs et le compositeur se retrouvent pour voir leur off-cut ensemble. Et en fait, ils vont discuter de l'identité musicale du film. Donc ils vont parler un peu de l'intro, et puis Conti va leur expliquer ce morceau très fanfare, et là un des producteurs va lui dire « Ouais, on va quand même pas mettre une fanfare au début du film ». Et là, en fait, Avildsen et Conti, ils ont dû expliquer aux deux producteurs que s'ils voulaient mettre cette fanfare au tout début du film, comme une manière de dire aux gens « Allez, ça commence », c'est un peu comme quand tu vas voir un match de boxe, t'as tout le temps une musique qui t'annonce le début du match. Mais... Pareil pour le baseball, hein, où t'as les fameux appels et compagnie. Le producteur trouve pas ça très très intelligent, parce qu'il a un peu peur, en fait, que le... faut savoir que tout le monde pensait que le film allait être un bide. Oui, donc, il a un peu peur que voilà, ça promette un peu plus que ce que le film puisse offrir réellement. Quoi. Après, c'est ses sous, hein, donc il en pense bien ce qu'il en veut. Voilà, mais bon, il laisse faire quand même. Donc le temps passe, la musique est enregistrée. Ils font donc un visionnage du film quasiment fini, dont on raconte l'histoire au sein de l'épisode sur Rocky. Hein, on vous renvoie là-bas. Et Avildsen, en fait, pour habiller ce morceau, il écrit à la main sur une feuille Rocky, puis il fait un travelling latéral de gauche à droite par-dessus ce papier pour faire le titre. Et là, le producteur lui dit « Non, mais on va pas garder ça. je suis pas d'accord. » Et il lui dit « Non. » Le mec dit « Mais on va jamais y arriver, les gars. Déjà, on a pas de sous. Hein. » Donc, Avildsen lui dit « Non, c'est juste, j'ai pas eu le temps de faire le titre. Là, c'était juste pour donner une idée. » Et le producteur dit « Ouais, ok, tant mieux, mais j'aime bien l'idée. » Garde l'idée, mais prends un peu plus de temps, quoi. Et c'est comme ça que naît toute l'identité visuelle de toute une saga, quand même. Ah, faut bien commencer un jour. Hein. Ouais. Et dans les autres titres importants de Rocky, il y a le morceau emblématique. Tu vois tout de suite duquel je veux parler. Bah oui, oui, c'est Gonna Fly Now. Voilà. Ouais. Qu'on va s'écouter tout de suite. Donc franchement, ça donne pas la patate, ce morceau. Moi aussi, quand tu rentres du boulot un peu fatigué, tu mets ça et c'est parti. Voilà, deuxième journée commence. T'ouvres le frigo, tu prends un steak, tu tapes dedans. Bah oui. Ah, Gonna Fly Now, hein, en fait, c'est donc un morceau qui arrive assez tardivement dans le film. Ouais, à plus de la moitié du film passé. Et jusque là, on a entendu juste des variations du thème de Rocky joué au piano en mode déprime. Bon, faut dire, hein, Rocky, le début, c'est pas le film le plus motivant du monde. C'est un peu noir, hein. Et donc, justement, là, il y avait besoin de mettre un peu de patate, quoi. Surtout qu'Avidson, il est venu me voir Conti, il lui a dit, écoute, là, je veux faire un training montage, et il me faudrait que tu me fasses une musique rythmée qui dure 1 minute et demie. Donc Conti, il se met au piano, il reprend le thème de Rocky, puis il le joue en plus vite. Puis, ce qui est une manière de rythmer. Ça marche très bien, hein. Pour Avidson, ça marche. Il repart avec ça, il repart sur sa thème de montage, il revient quelques jours plus tard, écoute, il me faut 30 secondes de plus. Puis il revient. 30 secondes de plus. Puis au final, donc, il va lui demander un total de 3 minutes. Et c'est ce qui donne Gonna Fly Now, quoi. Donc ce morceau a tout été composé vraiment graduellement. Et, c'est marrant parce que justement, quand tu l'écoutes, tu te rends compte qu'il y a une progression dans les mouvements, quoi. C'est jusqu'à l'explosion de cordes au moment de la montée des marches. Et en fait, ça a duré comme ça parce que Avidson et Stallone, comme ils s'embêtaient pendant le tournage, ils ont juste enregistré 5 bobines de Stallone en train de s'entraîner. D'accord. Donc il avait des images, fallait utiliser le maximum. Ouais. Pour l'enregistrement des voix, vu la nécessité d'aller vite, Conti, il n'avait pas le temps d'auditionner des chanteurs. Il avait 3 semaines, hein, pour tout faire, oui, je rappelle. Oui. Donc sa femme, qui travaille pas loin de là, dans un bureau, il l'appelle, écoute, t'as des collègues qui savent chanter ? Ouais, bah tu les amènes entre midi et deux. Puis les font enregistrer comme ça. Donc les mecs, sans comprendre ce qu'ils allaient faire, ils se sont retrouvés à bosser sur une des bandes originales les plus importantes du XXe siècle. Oui. Ça, quand t'es grand-père et que tu racontes ça à tes enfants, ils te croient pas, quoi. C'est moi qui chante, ça. Non, mais c'était ma collègue. Tu rigoles, quoi. J'étais entre midi et deux à enregistrer ça, quoi. C'est improbable. Donc le truc, c'est vraiment... Toute l'OST de Rocky, c'est vraiment le même thème qui va inspirer le suivant. Donc, la musique au piano triste va inspirer Gonna Fly Now. En gros, elle va influencer un autre morceau, qui est aussi un morceau très important. C'est tout simplement, en fait, le morceau qu'on va écouter tout de suite. Et voilà, on vient de s'écouter Going the Distance, qui est donc une variation de Gonna Fly Now. En fait, Avidson est venu voir Conti, il lui a dit « Bon, j'ai filmé les 15 rounds du match en temps réel. » Bon après-midi. C'est un peu lourd. Ouais. Donc on va refaire un montage, est-ce que tu peux me trouver un truc comme ça ? Et donc Conti part sur une idée de l'envolée lyrique de Gonna Fly Now pour partir de cette base. Il va faire un morceau qui est tout en tension et qui va raconter de manière musicale le déroulé du match. Il va ouvrir et fermer par le son d'une cloche comme un gong de boxe, quoi. Et surtout, en fait, ce morceau il commence avec une gravité, une tension constante qui est soulignée par la ligne de basse qui est jouée par les cordes et les corps en même temps. Peu à peu, t'as des cuivres qui vont s'ajouter ça et qui vont devenir de plus en plus clairs au moment où en fait Rocky comprend qu'il peut réussir à tenir la distance, comme le nom l'indique, et qui va tenir sa promesse de juste arriver au bout, pour en fait exploser avec donc la partie des cordes, au moment où, malgré un down, Rocky n'abandonne pas. C'est à ce moment-là où vraiment il gagne. C'est le moment où, en fait, Apollo l'accepte comme étant un vrai rival, alors qu'il l'a toujours, sous-estimé et rabaissé jusque-là. Et c'est le moment où, en fait, Adrienne va arriver dans dans la salle de boxe pour lui montrer le soutien envers l'homme qu'elle aime. Et tout ça, en fait, c'est un morceau qui est hyper fort, qui est chargé d'émotions, qui est vraiment extraordinaire, quoi. Et en fait, ce morceau, lui aussi, il inspire un autre morceau, parce que donc Conti, en finissant de faire Going the Distance, il a une idée, un morceau qui lui trotte dans la tête et qu'il trouve excellente. Et il sait que ce morceau est génial, mais qui va pas du tout dans le film, vu comment se déroule la fin. Donc il va voir Avidson en lui disant, écoute, j'ai écrit ce morceau, ça serait génial pour la fin, mais la fin qu'il y a dans le film, elle va pas. C'est quand même osé de dire ça au réalisateur. Ah oui, je pense qu'ils sont tous dans un contexte où quand les idées viennent, faut les sortir, voilà. Quoi, parce que... C'est l'état d'esprit de l'équipe. Hein. Voilà, et donc il fait écouter le morceau à Whitson, qui comprend exactement ce que veut dire Conti. La fin telle qu'elle a été écrite et tournée, parce que tout était fini au moment où, où Conti est arrivé, en fait, elle se passe après le match, où Rocky sort après le match sur le parking déserté et rejoint Adrian. C'est une photo de promo qui est très connue de l'époque, alors qu'on n'a jamais vu la scène dans le film. C'est fou. Le truc, c'est qu'il comprend que cette musique, elle est parfaite pour la fin, mais uniquement à la condition où la fin, elle se déroule juste à la fin du match. Oui. Donc, elle est immédiate après. Vraiment la dernière seconde. Et donc, il va voir Stallone, j'allais dire Rocky, hein, même souci durant l'émission. Il va voir Stallone, il dit, écoute, il y a Bill, il a fait ça, écoute et dis-moi ce que t'en penses. Et Stallone va dire exactement la même chose que ce que pensent Avidson et Conti. Ils vont aller voir les producteurs, ils vont dire, écoutez, on a besoin de retourner la fin. Faut refaire. Faut qu'on refasse. Là, on a un truc qui va être culte. Et donc, les producteurs ont accepté. Et ça donne la fin qu'on connaît aujourd'hui à Rocky et ce morceau extraordinaire qui s'appelle The Final Bell, qu'on va écouter hein, pour clôturer cette session. Alors, cette bande originale de Rocky, qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah, moi, le gros point qu'on avait déjà évoqué dans le podcast, mais que moi je souhaite appuyer, c'est vraiment... Les moments clés, ils sont vraiment bien appuyés par la musique, hein, c'est tout ce que tu as rappelé. Et effectivement, bah, comme on a rappelé le contexte, c'est étonnant qu'on puisse arriver à ça. Et c'est assez dingue qu'en 3 semaines, le mec, il ait pu écrire autant de morceaux emblématiques et qui ont marqué, peut-être pas tous ceux, mais une grande partie de ceux qui les ont vus. Le thème de Rocky, la montée... Le training session et même la musique de fin, donc quand il retrouve Adrian, moi c'est des trucs, enfin c'est superbement écrit quoi, et ça marque le film. En fait, Conti a réussi ce que beaucoup de musiciens de film essaient de faire. En 3 semaines, il a réussi à créer un hymne. C'est vraiment une musique qui résonne dans les gens qui l'ont entendu quoi. Elle a un impact sur nous tout autant que la musique de Star Wars et compagnie. C'est tout à fait ça. Ouais. Mais il a réussi à créer une identité, comme tu disais, et surtout à travailler autour du thème et d'amener différentes variations et de les amener à des moments clés du film. Et ça fait énormément sens et ça amène vraiment une cohérence à son écriture. Et c'est vraiment génial, quoi. Enfin, c'est vraiment, il arrive à enthousiasmer le spectateur quand il faut l'enthousiasmer. Il arrive à l'apaiser avec beaucoup de morceaux extrêmement calmes qui émaillent toute la première partie du film. C'est les parties piano, c'est des belles parties, mais c'est vrai qu'elles sont là pour appuyer le côté un peu pathétique du personnage. Ben c'est ça, on va attaquer justement cet aspect-là. On va s'écouter un petit extrait donc de la BO de Rocky. Le morceau qui s'appelle « Alone in the Ring ». Donc ce morceau, Alone in the Ring, c'est comme tu l'as dit, c'est des pièces qui sont très piano, mélancoliques, tristes, justement pour appuyer le côté un peu pathétique de la situation et de la vie que sont en train de subir, parce qu'ils la vivent pas, ils la subissent vraiment. C'est vraiment un côté très jazzy, très film noir que je ressens. Et si on met vraiment de côté les thèmes épiques qui vont arriver à la fin, justement quand il se construit son vrai personnage de boxeur, puisque au début il est boxeur, mais plus, je dirais pas par dépit, mais sans vraiment y arriver, c'est ce point-là qui va être intéressant à mettre en parallèle. Mais l'écriture de ce morceau est très axée sur le piano, tout comme tout le début du film. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi elle est très axée sur le piano? Parce que c'est ce qu'il avait dans sa chambre, non? Voilà, c'est en fait l'un des instruments qui lui permettait d'enregistrer facilement sans embêter d'autres musiciens et de faire un morceau qui colle à l'ambiance, quoi. Bah oui, et c'est un début de film qui est compliqué, quoi. Donc son instrumentation, elle est simple, mais elle est touchante, puisque de toute façon les personnages sont touchants. Donc il est là où il doit être parfaitement. Et t'en as parlé plus en détail dans le début de l'épisode, donc on va pas s'étendre non plus sur le sujet. Mais il y a un autre extrait que je voudrais qu'on écoute. C'est le morceau qui s'appelle First Date, et c'est le rendez-vous d'Adrian et de Rocky. Donc ça, c'était un petit peu pour cadrer l'ambiance qui gravite autour de Rocky 1. Et donc pour Rocky 2, donc là, dès le générique, l'OST, elle prend clairement des accents beaucoup plus disco. Mais bon, ça va aussi avec l'air du temps, puisqu'on est en 79. Mais moi, j'ai clairement retrouvé des accents de la série préférée que j'adorais quand j'étais tout petit. En l'occurrence, de Starsky et Hutch. Donc j'attendais vraiment Huggy à chaque coin de rue, puisque j'ai trouvé que c'était vraiment bien disco. Et pour le coup, on s'écoute un petit extrait de Redemption. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ce petit morceau bien disco, on va dire? Ah bah c'est... En fait, toutes les bandes originales de Rocky sont à chaque fois dans l'air du temps où le film se passe. Là, vraiment, la mode était au disco. Ouais. Conti, contrairement au premier film, avait du pognon et du temps. Et ça se sent quand même. Ouais, bah oui. Mais non, c'est très très funky, comme tu dis. C'est vraiment... On se retrouve avec un son beaucoup plus riche. Oui. Ah oui, c'est clair. Ouais. Mais tout en gardant vraiment ce qui fait l'influence du premier, quoi. C'est, il dénature absolument pas ces thèmes. Non, c'est ça qui est intéressant, justement, de voir le travail qu'il a mené sur la saga. C'est ça, justement, c'est d'avoir tout cet aspect créatif un petit peu dans la dèche du premier, mais de voir qu'il l'a fait évoluer au fil du temps, et tout en gardant, justement, l'affect et toute l'essence même de ce thème qui va rester sur toute la saga et qui va nous emmener jusqu'à Rocky 3, qui là va amener clairement des accents de Rocky FM à la BO. Là, il va y avoir un petit peu plus de chansons, hein, mais on y reviendra plus tard, parce qu'on reviendra sur les parties chantées un petit peu plus loin dans le programme. Bah oui, on pourra pas y couper. Hein. Oui, ça on n'aura pas trop le choix pour ça. Alors, c'est pareil, on reviendra aussi un petit peu plus tard sur des morceaux que le frère de Stallone chante, mais on s'écoute pour le moment Pushing. Alors, Pushing, moi, ça me fait penser directement à Véronique et... Davina. Mais ouais, mais grave. Alors, à tel point que quand j'ai revu le film, franchement, je me suis dit, là, ils ont vraiment poussé le curseur très, très loin. Mais c'est ça que je trouve rigolo dans le morceau, quoi. Ah ben, il justifie tout à fait le t-shirt trop court de Apollo, hein. Mais oui. C'est très, très épique, ouais. C'est très de la gym. C'est hyper rythmé. Parfait pour faire gym tonic. Hein. Ah oui. Alors, je crois que c'était Jane Fonda qui faisait plutôt gym tonic aux États-Unis. Oui, je pense. On avait Véronique et Davina. On a un peu perdu au change, hein, quand même. ouais. Voilà, on reste toujours dans l'ambiance, donc un petit peu disco, mais on met un petit peu d'aérobic quand même. Mais on va être obligé de revenir un petit peu sur le podcast. Tu n'as pas aimé Rocky IV ? Moi, non. Parce qu'on a eu énormément de plaintes suite à ça. Et je réitère mon désamour de ce film. D'accord. Bon, alors on va pas réouvrir le débat, mais par contre, donc pour le coup, n'est plus Bill Conti qui fait la musique. Ce qui est déjà une honte et une raison à mon désamour. Non, parce que quand même, c'est Vince DiCola qui s'y colle, et il fait quand même un très très beau morceau avec War Fanfare. Ouais, celui-là, je t'autorise. Ouais, alors on le passe. Moi, c'est ça que j'aime dans ce morceau, c'est que bon, il reprend quand même énormément d'accents synthé, comme on en avait parlé. Donc, il y a beaucoup de musique, enfin, le début de la musique électronique, on va dire. Mais on retrouve le côté hymne, le côté épique qu'avait amené Bill Conti. Et moi, je trouve que moi, ce morceau, je l'aime bien. Et dans la droite lignée des grands thèmes de Bill Conti, je trouve qu'il a toute sa place à côté. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas un morceau que je déteste, loin de là, mais ouais. Clairement, je le mettrais pas à côté des thèmes de Conti. Mais c'est un morceau qui est loin d'être honteux. Bon, alors quand même, pour le reste, on est sur la tendance Rock FM avec No Easy Way Out. Est-ce que je mettais plein de ça dans le numéro régulier ? De quoi ? Que c'était trop Rock FM ? Ouais, je crois bien. Ouais. Sinon, enfin, je te rappelle. Mais bon, alors après, quand même, on va avoir, alors pour moi, deux épisodes qui vont être assez problématiques d'un point de vue musical, ouais. Assez difficile, hein. Oui, c'est très difficile, mais bon, on va bien être obligé d'en parler aussi, puisque, bon, voilà, on va parler de tout, donc aussi de la musique de Rocky V, donc qui est très marquée rap, et malheureusement, c'est pas le haut panier du rap, mais bon, donc on va retrouver MC Hammer, Snap, c'est pas ma cam. Clairement, j'ai eu énormément de mal à trouver un morceau à vous faire écouter. Ah, c'est dur. Elle est dure. Ouais. Enfin, ce film est dur aussi, déjà. Voilà, une musique à l'image du film. On s'écoute Snap, et ça s'appelle... Keep it up. Aïe, aïe, aïe, voilà. Mes oreilles, pourquoi ? Non. et dites-vous que c'est le moins pire des morceaux. Oui, parce que toi, t'as écouté tout, comme oui, moi. Oui. Ouais, c'était dur d'en choisir. Hein. Ah oui. Bon, alors on passe ensuite à la sortie donc de Rocky Balboa, donc qui est accompagné d'une OST qui est un peu une compile des précédentes, on va dire. Donc on va pas s'apesantir sur le sujet, on va passer... on peut parler rapidement de la BO de Creed. Je sais pas si tu l'as écouté. Vite fait, mais elle est très très orientée rap US contemporain, donc le film est sorti en 2015. Mais il y a un morceau sympathique donc d'un groupe que j'aime bien qui s'appelle The Roots et le morceau c'est The Fire. Crossroads and start feeling mixed signals like Morse code. My soul start to grow colder than the North Pole. I try to focus on the hole of where the torch goes. In the tradition of these legendary sports pros, as far as I can see, I've made it to the threshold. Lord knows I waited for this a lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. Voilà, donc c'est du rap un peu plus classique, on va dire. Donc, The Roots, hein, c'est quand même un grand groupe de rap. Hein. C'est ils ont une carrière qui a déjà bien 25 ans derrière eux. Ouais, ils ont fait des super trucs. Par contre, là, on va passer aux chansons. On va parler des chansons de Rocky IV, hein, mon dieu. Ouais. mais pas que celles de Rocky IV. Hein. Alors, évidemment, donc c'est les chansons qui vont être incontournables, donc on va s'arrêter plus longuement sur toutes ces chansons, et on peut pas y couper, on va parler un petit peu du groupe Survivor, donc... Normal. Normal, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre, mais ils ont fait ça. Je crois que même eux, ils savent pas ce qu'ils ont fait d'autre. Si, ils ont fait des procès pleins. Pour savoir qui c'est qui chantait le plus fort. Alors, le groupe se forme en 78 à Chicago autour du guitariste Petteri. Donc, anecdote sympa, il se nomme ainsi car il échappe à la mort dans un accident d'avion avec un de ses précédents groupes et parce qu'il n'avait pas pu les accompagner à un concert prévu et donc il décide d'appeler son groupe Survivor. Donc, il monte sa formation. Le groupe sort deux albums plutôt orientés rock FM sans vraiment trouver de public, on va dire. Mais en 82, donc Stallone travaille sur Rocky III, classique, hein, et il voudrait bien utiliser la musique de Queen, Another One Bites the Dust, mais le groupe refuse. Donc, il se met en tête de trouver un groupe qui va lui faire un truc qui ressemble, mais pas trop, pour pas qu'il y ait de procès. Et il contacte donc ce groupe-là pour l'écriture d'un morceau qui sera le thème de Rocky, que vous connaissez tous, ça s'appelle Eye of the Tiger. Je résume, on passe de Queen à ça. Il y a quand même une graduation. Mais ouais, c'est un super morceau. Oh oui, c'est un super morceau. Bah oui, ah, t'es dur quand même. Là. Ah, je suis fan de Queen. Donc T'es fan de Queen. Bon. Mais alors. Non. Eye of a Tiger, c'est un morceau culte. Si on aime le Rock FM, c'est vraiment le morceau de Rock FM par excellence. Mais... même pas si t'aimes le rock FM, t'es guitariste, t'es obligé d'essayer de le jouer. Même à la guitare acoustique, la preuve. Mais même à l'acoustique, même au ukulélé. C'est un truc, c'est le riff, et le truc c'est ça, c'est que dans le morceau, tu n'as que des riffs qui vont devenir légendaires. C'est dans le sens où ça va être utilisé, repris dans 400 000 films, ça va être surtout adapté en français par... Sylvie Vartan. Mais mon ouais, Dieu. Ça. Je crois qu'on avait déjà parlé dans une émission précédente des 80s. Les reprises de chansons en français. Ouais, avec Mika et Wiz. Et ils en avaient parlé l'an dernier. Alors, donc pour en parler un petit peu plus, c'est un morceau qui est écrit par Frankie Sullivan et donc Jim Petterich. Et on a Dave Bickler au chant. Alors le morceau va cartonner, 6 semaines numéro 1 au Billboard pour accompagner la sortie du film, Grammy du meilleur morceau rock en 82, et là, bim, problème de santé pour le chanteur qui est remplacé par Jim Jamison. Mais ils enchaînent quand même avec la chanson de Karate Kid, oui, que je trouve nettement moins bonne. Non, de toute manière, après Eye of the Tiger, c'est juste une descente, hein, après Survivor. Ouais, c'est oui, mais c'est compliqué, c'est jamais voilà. C'est ils ont été trop vite. Ouais, trop vite. Voilà. Mais en 86, donc Stallone remet le couvert pour Rocky 4 et on dit bah, on change pas une équipe qui gagne, on va rechercher Survivor. Et là, il nous sort ça. Donc, Burning Heart, évidemment, que vous avez reconnu. Pour le coup, alors là, il y a un petit peu moins de guitare, il manque un petit peu le riff killer de Eye of the Tiger, mais le côté basse-batterie, ça tient la baraque, et le chant, évidemment, avec le nouveau chanteur, ça structure tout. C'est encore une fois une chanson très rock FM, c'est bien construit, avec un petit solo qui va bien à la fin, et encore une fois, ça va péter la baraque. Et je vais te dire, c'est tellement rock FM que pendant des années, quand j'étais très jeune, j'étais persuadé que c'était une chanson de Europe. Ah. Ça n'a rien à voir. Europe, c'est des Suédois. Oui, je sais. Je comprends pas. Cette chanson, je trouve qu'elle ressemble à du Europe, quoi. C'est... Oui, c'est très proche. Très très proche. Il y a peut-être le bon tant pis au sponsoring au niveau des claviers, ça aide. Ouais, ça aide pas, ouais. Alors, ensuite, le groupe va continuer avec des sorties d'albums régulières, faire des tournées, etc., etc., surfer sur le succès de ces morceaux. Alors, pour la petite anecdote, c'est un peu ce qui se passe quand t'as deux chanteurs leaders en très peu de temps avec deux gros hits. Il va y avoir des imbroglios juridiques, des carrières solo, etc. C'est ma chanson, c'est pas la tienne, etc., etc. Je te pique le nom de groupe, je te fais le vrai Survivor et toi t'es les faux Survivor. Alors, allez voir si ça vous intéresse de savoir quel avocat a gagné le plus d'argent. Il y a plein à dire sur sur Survivor. Le fait est que je crois qu'il tourne encore et qu'il continue de chanter Eye of the Tiger et Burning Heart. Donc 30 ans plus tard, c'est beau. Ah bah quand même. C'est leur Born to be Alive à eux, quoi. Tout à fait, c'est un bon parallèle. Mais dans Rocky 4, il y a surtout une légende. Le King. Ah, c'est pas le King. Si, c'est le King de la Soul. Ouais, le King of Soul, Mr. Dynamite, Sex Machine, James Brown qui fait l'ouverture du combat. Apollo et Drago, ouais. Alors, on va pas faire sa bio, on va juste donner les grandes lignes. Donc, il est né en 33, 1900, évidemment, et il est mort en 2006. Donc, c'est une immense carrière dans la musique. Il va toucher au rhythm and blues, à la funk, à la soul. Un incroyable danseur, chanteur, il est connu pour Dino Brab Standard, donc on va citer Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, It's a Man's World. Sex Machine, dont on trouve une version française hilarante aussi dans le cadeau bonus sur les reprises en français. Des éponges. Ah oui, oui. Ah, j'ai pleuré de rire en entendant ça. Comme une machine à lourd. Ils étaient passés à nulle part ailleurs à l'époque. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, c'était assez, assez rigolo. Ah ouais, c'était une découverte grâce à Wiz. J'ai pleuré pendant un moment à cause de ça. Mais oui, les éponges, ouais, c'était assez. Et c'était bien. Mais pour en revenir à Mr. Brown, on n'oublie pas aussi qu'il était souvent dans les films dans les années 80. Oui. Et souvent dans des films qui ont beaucoup marché, notamment les Blues Brothers. Mais pour l'instant, on va s'écouter les Villains Américains dans Rocky 4. Mais oui. Allez. Bon, il y a au moins ça de sauvable dans le film, faut l'avouer. Ouais. Brown, c'est la grande musique à chaque fois, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, bah oui, c'est bien foutu, c'est super. Puis je trouve que c'est bien amené dans le film. Après, le gros défaut du film, bon, on en a déjà parlé, c'est qu'il fait un peu clip MTV, mais je trouve que c'est très très bien de voir James Brown... Ouais, 86, non, pour une thématique guerre froide, vraiment une icône comme James Brown qui chante Living in America, c'était bien trouvé. Ouais, c'est bien trouvé. Alors, on a parlé des chansons incontournables, mais il y a aussi des chansons un petit peu plus méconnues. J'en ai parlé rapidement, mais alors, le frère de Stallone chante. Voilà, en fait, déjà, il faut savoir que Stallone a un frère qui s'appelle Frank, qui a souvent servi de caution à des producteurs véreux. Quand ils n'arrivaient pas à avoir Stallone pour vendre un film, ils prenaient Frank Stallone et puis ils le mettaient en gros sur l'affiche avec une copie de l'affiche de Cobra. Petit clin d'œil à Creepers. Mais ils mettaient le prénom quand même en tout petit. En tout petit, mais très très petit. Tu voyais Stallone, tu avais un truc qui ressemblait vaguement à l'affiche de Cobra en mal redessiné par un gamin de 4 ans. Ouais. Et c'était Frank Stallone. Et mais Frank Stallone, s'il n'a pas une grande carrière d'acteur, hein, pourtant il a beaucoup essayé, il est plutôt doué en musique, à tel point qu'en fait il a écrit un morceau qu'on retrouve dans plusieurs Rocky, en fait dans quasiment tous. Et ce morceau, il l'a écrit et composé, il le chante lui-même avec une bande a cappella, et c'est ce morceau, c'est Take You Back, qu'on s'écoute maintenant. Take you back, do do do do, take you back, yeah yeah. Take you back, do do do do, take you back. Well, take I've been back. Told by do do do do, take you back, and they all do, do, do, do, say to take you back. Do do do do, take you back like before. Do do do do, I don't call this a reason. Donc ça, c'est Take You Back, tel qu'on l'entend dans Rocky 1 et 2. Mm-hmm. Donc un là, petit a cappella, pépère. Voilà, autour d'un bidon enflammé. il va même en plus chanter une chanson d'amour pour Rocky et Adrienne quand ils vont se marier dans Rocky 2. Oui. Donc vraiment, voilà, c'est une chanson pure a cappella qui est typique dans le style de l'époque. Mais cette chanson, en fait, elle va avoir beaucoup de déclinaisons en fonction des films. Donc comme je disais, on la trouve dans tous les Rocky, sauf le 4. Et puis Creed, bien sûr. Donc on la trouve aussi dans Rocky 3. Mais là, on la trouve beaucoup modifiée parce que Frank va dégager ses copains chanteurs et il va la chanter en solo en mode crooner rhythm and blues. On s'écoute ça tout de suite. Donc, c'était comment ? Qu'est-ce que t'en penses de ça ? C'est crooner. Ah oui, c'est très très dans l'air du temps hein, aussi. Ouais, c'est tout mieux, c'est bien, ça glisse tout seul. Ah, c'est le style d'une époque, hein, c'est plus l'époque, on va dire ça. Et donc, forcément, donc, comme je disais plus haut, on n'a pas de version pour Rocky 4, mais on a une version pour Rocky 5, où en fait, ça a juste été samplé, parce que c'est une version rap qui est... qui est chanté par le groupe 7A3, dont on écoute maintenant. From the streets cometh a man, a fighter, doing the best that I can to survive. Yes, and the survival of the fittest, strive for what is mine. The Lord is my witness. Many believe in what they see, and I wonder. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ça ? Toi qui aimes beaucoup le rap de Rocky 5. Ça pique. Ça pique. Et le pire, c'est que les 7A3 bon, vont pas avoir une grande carrière. Mais en fait, si, parce que la plupart des membres en fait, vont être recrutés par Cypress Hill, qui est quand même l'un des plus grands groupes de rap de tous les temps. Un groupe de rap méchant. Oh, c'est particulier, c'est un univers à eux. Hein. Oui. Ouais, mais c'est sympa, Cypress Hill. Je crains pas. Belle formation, on va dire. Et toi, dans les chansons un peu moins connues, de laquelle t'aimerais nous parler un peu plus ? Ouais, alors, c'est une plus pour sa situation dans le film que sa, comment dire, sa qualité musicale. C'est la chanson No Easy Way Out de Robert. Non, t'as pas le droit. Ce clip vidéo encore de l'enfer. Encore Rocky 4. Si, encore. Ce clip vidéo de l'enfer. Allez, on se... Et oui, donc, ouais, comme je te dis, c'est pas... C'est... Non, mais arrête T'as que le son, t'as pas l'image. Ouais, mais c'est les images qui reviennent en flashback comme non, le Vietnam. Mais... voilà, c'est là où Rocky va se décider d'aller péter la gueule à Drago. Ou bah voilà. Donc elle va bien dans le film. C'est pas exceptionnel. Ça fait très années 80. Ça fait vachement penser à Top Gun dans l'esprit. Oui, c'est. Donc, c'est de la bonne pop un peu new wave d'époque. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre, parce que ça me plaît bien. Oui. Voilà. C'est juste la séquence dans le film que je trouvais pointable. Non, il n'y a pas le robot. Ah oui. Mais la musique en elle-même, ouais, c'est juste de la pop random, comme il y en avait au kilomètre à l'époque. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de particulier dessus. C'est pas une mauvaise chanson, quoi. Ouais. Mais bon, on va pas se quitter sur cette chanson. Moi, je voudrais vraiment que tu me donnes ton impression sur les gros thèmes de Rocky dont t'as parlé, dont on s'est écouté rapido, et lequel vraiment te marque le plus, si y en a un qui te marque plus que les autres. Je te prends de court, mais bon... Je crois que j'ai été assez clair pour mon amour pour la musique composée par Big Conti. Oui, c'est normal. Et vraiment, ouais, j'ai beaucoup d'affect pour The Final Bell, qui est un morceau que je trouve incroyable. Mais si je devais choisir vraiment la signature de Rocky, ça serait Eyes of the Tiger. Tu m'as piqué mes deux choix, donc du coup, c'est vraiment The Final Bell aussi, parce que je trouve que la situation dans le film, elle est parfaite, et l'écriture, elle est vraiment à propos. Ouais. Donc moi, c'est vraiment aussi ces deux passages-là. Et Eye of the Tiger, je vous conseille un truc. Si vous avez un Guitar Hero 3 qui traîne ou pas cher en broc, avec des gamins de 7 et 9 ans, ça marche d'enfer. Ils adorent, ça fait toujours un carton. Mais pour se quitter, donc t'avais je crois un petit inédit, un petit truc qui sent bizarre. Disons qu'on parlait de la difficulté à vivre du groupe Survivor. Oui. Donc à tel point qu'ils ont été obligés de faire des pubs. Mm-hmm. Et puis bon, quitte à prendre Survivor et quitte à faire de la pub, autant reprendre le thème de Eye of the Tiger. Donc, et de le retourner. Voilà, et de le retourner avec des nouvelles paroles. Et là, en l'occurrence, c'est une pub pour Starbucks, la célèbre marque de barista aux États-Unis. Et la chanson, c'est Glenn, Glenn, Glenn, Glenn. Bon, bah, allez, c'est parti. Glenn, Glenn. Donc moi, ce morceau, ça me donne vraiment envie d'aller m'acheter un Starbucks. Hein. Mais bon, là par contre, on a eu un ordre de la direction des 80s. On est obligé de repasser Sylvie Vartan, je crois. Non. Ne nous détestez pas. Détestez-nous, cadeau. Plaignez-vous. Je fais un gros bisou à Jean Cri, puisque je crois que son papa a toujours le vinyle de Sylvie Vartan. Donc on s'écoute. Comment ça s'appelle déjà, cette magnifique chanson ? Faire quelque chose. Donc oui, on va s'écouter Sylvie Vartan qui nous chante Faire quelque chose. Quel rapport avec l'œil du tigre ? Mais surtout, fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Bon allez, ciao et à la suite pour la prochaine aventure. Ciao.